L'homme c'est un peu des tempéraments de Dieu, de ce qu'il a, de ce qu'il est, des œuvres qu'il fait. Mais leurs compréhensions sont surtout rien que des mots sur une page, des théories. Dieu veut que personne ne se sente abandonné ou laissé dans le froid. Il veut voir un cœur ferme qui suit la voie. Pour connaître Dieu, rechercher la vérité. Les gens n'ont pas de vraies connaissances, ni de vision formée d'une vraie expérience. Dieu tente de bien des manières d'éveiller le cœur de l'homme. Mais long est le chemin pour qu'il renaisse. Dieu veut que personne ne se sente abandonné ou laissé dans le froid. Il veut voir un cœur ferme qui suit la voie. Pour connaître Dieu, rechercher la vérité. Il veut que tous marchent en œuvre. Personne ne se sente abandonné ou laissé dans le froid. Il veut voir un cœur ferme qui suit la voie. Pour connaître Dieu, rechercher la vérité. Il veut que tous meurent.